Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. Mitch Koutimi a connu un week-end très difficile. L'instructeur-chef Yannick Jean était de passage sur les ondes de CKJ avec Michel Tifot et Dominique Bolduc pour expliquer la fin de semaine. Ça a été pas mal difficile pour les Sags. On devrait dire pas mal. C'est un week-end à oublier. Qu'est-ce que tu veux? Oui, il y a des fois que ça arrive. Là. J'ai hâte d'entendre les commentaires de l'instructeur-chef Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. D'abord, on va commencer avec la partie de samedi contre Cap-Breton. Je pense que vous avez été surpris un peu par la vitesse des Screaming Eagles. Oui, définitivement. Il y avait l'air partout sur la patinoire. Nous autres, on avait l'air plutôt rouillé là, en arrivant de voyage. Je pense que, tu sais, on voyait que c'était pénible, l'effort. Tout est... Je pourrais peut-être dire qu'on était une fraction de seconde en retard. C'est-à-dire qu'on était plus une ou deux secondes en retard sur le jeu. Là. Définitivement, ça a été un match où est-ce que ça a été. J'écoutais ton point de presse après la partie. Puis t'es évidemment, avec raison, défaite de 7-1 contre Cap-Breton. Tu semblais déçu de la performance des Bleus. Puis tu as dit à l'exception d'un joueur. Oui, exact. C'est vrai. Et qui est ce joueur? On va le féliciter? On va garder ça à l'interne. On garde ça dans le vestiaire. on va garder ça à l'interne, ça c'est sûr. Et avec le retour de certains joueurs cette semaine, tu semblais le mentionner également après la rencontre, il y a des joueurs qui n'ont pas donné leur 100%, on va le dire comme ça, mais ils vont peut-être payer le prix cette semaine. Ben, il y a des joueurs qui vont continuer de revenir cette semaine. Là, à ce moment-là, et depuis quelques semaines, on voit qu'il y en a qui prennent des mauvais plis, qui réussissent à se sortir, de pas nécessairement avoir de conséquences par rapport à soit un manque d'effort ou un manque de concentration. Tu sais, on est un petit peu à la merci parce qu'on joue avec quoi? 8-9 attaquants réguliers seulement. Ça fait en sorte là, qu'à certains moments, ben, on mange en tant qu'entraîneur, on mange notre pain noir un peu, puis on bouille à l'intérieur, qu'on dit, bon, mais quand on va avoir nos joueurs, quand tout le monde va être revenu, on va être capable de recréer une compétition à l'interne. Puis je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué. Là. Dans les dernières semaines, il y en a qui ont tenu ça là, à bout de bras, tu sais, qui ont voulu en faire plus, étant donné le nombre de joueurs qui nous manquaient. Mais ça en a fatigué d'autres. Ça fait en sorte justement qu'on a les répercussions un peu de ça. Mais oui, il y a des joueurs qui vont avoir maintenant à attendre leur tour. On peut pas accepter ça. On va faire en sorte là, de prendre des actions pour que ça change. Dimanche, la rivalité était plus forte, l'opposition était meilleure avec Moncton. Mais est-ce que l'effort a été meilleur aussi du côté des Sacks, même si j'ai subi la défaite là? Oui, définitivement. L'effort était meilleur. Par contre, je considère que le respect de notre identité n'a pas été nécessairement meilleur. Il faut reconnaître c'est quoi nos forces en tant qu'équipe de hockey. Les 18 premiers matchs de la saison, on a donné quoi? À peu près 35 buts. C'est moins de 2 buts par match. Dans les 4 suivants, on en avait donné une vingtaine. Tu sais, on reste un club à prime abord qui a des bons gardiens de but, qui a une bonne défensive, à laquelle les attaquants doivent bien se replier, doivent bien jouer défensivement. On est un club défensif qui joue plus offensif cette année, mais on ne peut pas oublier la raison pourquoi on a eu du succès cette année, pourquoi on a toujours été difficile à affronter. Ça, c'est ce qui me chicote un peu. Je veux que notre équipe revienne à récemment, on ne l'avait pas, là. Non, c'est pas l'identité, c'est pas la marque de commerce des Sacks. Notre identité, qui est de bien jouer défensivement, de jouer avec nos forces, en fin de semaine, on ne l'a pas fait. On respecte pas ça. On voit des revirements. On prend des chances inutiles avec la rondelle. Tu sais, il y a plein de jeux de base qu'on ne fait pas parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés offensivement dernièrement. Ils tressent du côté offensif, veulent récolter un point ou un but plus facilement. Mais à la base, il faut que tu sois capable de défendre au hockey. C'est ce qu'on faisait bien là, les 18 premiers matchs de la saison. Puis c'est ce à quoi on doit revenir. Ça a été plus difficile en fin de semaine pour le jeune gardien Alexis Chang. J'ose croire qu'il n'a pas perdu ses repères. Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Ben, deux fois, tu es obligé de le sortir de la rencontre parce qu'il accordait plus de buts qu'à l'habitude. Est-ce qu'on est, on a le droit de s'inquiéter? Je crois pas que le match d'hier, tu sais, on voulait redonner une période là, de jeu à Zachary là, pour qu'il prenne une certaine confiance. C'est pas une question hier. Là, il avait fait des gros arrêts quand même en deuxième période. Non, je pense même qu'il y avait plus de buts. Je pense que la rondelle là, a trouvé des manières, là, avait des yeux en quelques occasions. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit là, à se blâmer. Pas fait de miracle, mais je pense pas qu'il est responsable là, des ça. Même si l'attaque a surpris un peu en début de saison, là, c'est un petit peu plus silencieux depuis quelques rencontres. Doit-on s'inquiéter aussi pour l'attaque? Ben, il faut remettre les choses ensemble. Il faut mettre les choses en perspective, étant donné qu'il manquait beaucoup de joueurs. On avait pas notre profondeur habituelle. Là, ben, il faut remettre nos joueurs ensemble. Puis, tu sais, c'est sûr que la pièce faisait 5 semaines qui manquait. On peut pas lui demander de revenir au point où il était lorsque il est revenu lors de son premier match samedi. Ça va prendre un certain temps. La même chose du côté de Rochette. Tu sais, on va tous retrouver nos repères puis se remettre là à jouer ensemble. Et pour ça, faut pratiquer, faut utiliser nos pratiques là à bon effet. Dans le texte du journal ce matin ou dimanche, là, on parlait que certains joueurs trichent sur la glace. Peux-tu expliquer pour le bénéfice de nos auditeurs là, qu'est-ce qu'un entraîneur veut dire quand il dit que ses joueurs trichent? C'est exactement ce que je disais tantôt par rapport à les joueurs. Oups, ça va un petit peu moins bien offensivement. Ils se retrouvent du côté offensif. Ils veulent aller chercher un but, une passe plus facilement, aller partir en échappée, sortir du territoire plus tôt, prendre des chances avec la rondelle, faire une passe en arrière, un jeu à l'aveuglette offensivement. Puis ça se retrouve que l'autre équipe contre-attaque contre toi. Donc, tu sais, c'est ce que tu veux éviter. Le management, la gestion de la rondelle est primordiale en tant qu'équipe de hockey. Souvent, avec les jeunes équipes, ben, il arrive un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. On se fait mal nous-mêmes avec une mauvaise gestion de la rondelle. Bon, là, qu'est-ce que vous faisiez de bien au début de l'année que vous n'avez pas fait, par exemple, en fin de semaine? On respectait notre identité, qui est de bien jouer défensivement, de bien défendre, de mieux gérer la rondelle. C'est ce qu'on a pas fait en fin de semaine. Être un club, à la base, qui fait des petits détails défensivement. Et mercredi, contre l'Océanique de Rimouski, c'est une joute importante. Ils ont 2 points de plus que les Sags en deuxième position de la section Est. Un match à ne pas échapper. Non, je vois pas ça comme un match à ne pas échapper. Je vois ça comme un match où est-ce qu'il faut rebondir. C'est le processus. C'est la manière qu'on va se comporter, la manière qu'on va gérer là, les choses justement que je viens de vous adresser par rapport à ce qui a fait le plus défaut lors du week-end. On va vous souhaiter de bons matchs au cours des prochaines parties. Yannick Jean, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Au revoir.